parfois les mots ne veulent rien dire. Je me sens lasse d'encore écrire, car tous ces mots ne peuvent traduire jamais vraiment le pur inspire. À chaque esprit son propre regard, chaque esprit est un monde à part. Rien qu'un seul mot, qui l'air de rien, transforme l'amour en du dédain. Ce même mot, pour toi, pour moi, n'a que rarement le même poids. Ces mots perdus dans nos mémoires ressurgissent parfois plus tard. Je ne peux pas sentir le fond de ton profond, mais supposer ce que je connais. À chaque cœur, sa propre bulle, enfermée comme dans une cellule. Parce que les mots sont une barrière au ressenti le plus primaire. Même entourés, nos cœurs sont seuls, la pensée, un monde seul. J'aimerais parler sans dire un mot, sans sonner faux, tout en silence, dire ce que je pense. Souvent les mots ne veulent rien dire, car ils sonnent faux dès leur soupir. Comment te dire ce que nos mots ne peuvent pas crier tout haut? Dès qu'il surgit à ma pensée, il perd le sens de sa naissance. Je ne peux pas respirer l'air de tes viscères, mais deviner ta vérité.